Coucou, coucou, coucou, vous êtes là? Bien, bien, bien, bien, vous ne manquez pas ce rendez-vous. Ah oui, 758e, 758e est toujours là, fidèle au poste, comme vous, fidèle devant votre transistor ou devant votre chaîne stéréo tout simplement. En tout cas, nous sommes ensemble pour une nouvelle émission. Et cette nouvelle émission, nous allons la commencer tout de suite avec une belle chanson de chez nous qui nous est proposée, qui nous est chantée, pardon, par notre ami Hubert Ledin. Et puis Hubert et Eric, parce que ce sont deux compères, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, c'est avec eux que nous allons passer la majeure partie de cette émission accordéonistique. Comme dirait mon ami Michel, avec le piano à bretelles. Eh oui, les amoureux de la vioule. Allez, blague terminée, on va tout de suite commencer avec Montagne du Bugey. Dans la vallée bleue du ciel, il tremble l'hiver feuillage à la voix du vent cruel. Les champs, la forêt, pluie noire, les sapins à l'air vainqueur. C'est là ma fierté, ma gloire, c'est ici que vit mon cœur. Jolie montagne de mon Bugey, dans ces campagnes, toujours je vivrai. L'ennui me gagne quand je m'en vais, loin des montagnes du joli Bugey. Les prés sont pleins de jonquilles quand revient le mois de mai. Le long des ruisseaux qui brillent, que de bouquets d'or l'enfer. Puis s'ouvrent les blancs narcisses, c'est bientôt le temps d'aimer. Aux lèvres déjà fleurissent les serments, les doux baisers. Jolie montagne de mon Bugey, dans ces campagnes, toujours je vivrai. L'ennui me gagne quand je m'en vais, loin des montagnes du joli. Chante avec moi souvent, jolie montagne montagnes du joli Bugey. Eh oui, pourquoi ne pas reconnaître cette chance que nous avons d'habiter dans ce beau pays qui est le nôtre, dans ce beau bassin bellegardien qui est tout pour nous, il est tout pour nous. Mais on en donne aussi un petit peu aux autres parce que nous sommes généreux. Un petit Madison. Hier à la radio, j'entends un air nouveau. C'était l'orchestre Tendance qui chantait en cadence. J'ai dit, ma petite Simone, écoute ce Madison. Elle m'a dit, si tu veux, on peut danser tous les deux. Autant que je m'appelle Roger, je me suis pas dégonflé. J'ai poussé la télé, la table, le canapé. Elle m'a dit, allons-y, c'est parti mon kiki. Je compte jusqu'à trois et ensemble sur le même pas. On a dansé le Madison sur une musique qui était très bonne. On a dansé le Madison chez Simone. On a dansé le Madison sur une musique qui était très bonne. On a dansé le Madison chez Simone. Ah, je ne sais pas si vous connaissez Simone, mais vous savez, hein, quand les deux compères se pointent chez elle pour danser le Madison, autant vous dire qu'il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. D'ailleurs, l'ambiance, il y en a sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgia FM avec Tourne la valse infinie. Quatre vents de ma défaite n'est plus depuis longtemps qu'une île déserte. De ce bonheur si grand, qu'est-ce qu'il en reste? Un foulard, une lettre, une médaille. Infini, dès que l'autre est si loin, sans parler d'elle ou de lui, on n'oublie rien. Tourne la valse infinie dans les bras d'un chagrin, même si l'on en guérit, on n'oublie rien. De maladie laisse des traces. Faut-il toute une vie pour qu'elle s'efface? J'essaie, oui, mais en vain, de faire surface. Il paraît que tout passe, moi j'en doute en chemin. Thank you. tristesse infinie dans les bras d'un chagrin. Même si l'on en guérit, on n'oublie rien. Ah, nous allons nous évader avec deux superbes mélodies. Je vous laisse à vos écoutes. Pas rester sur une simple mélodie, on va profiter de ce beau moment ensemble. Thank you. c'est pas mal, hein. Ah oui, oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Seul sera toujours la peine de mon cœur lourd. Ah, c'était un petit passo. Vous avez aimé ? Ah, vous avez aimé, je le sais, je le sais. Bon, eh bien, puisque vous avez aimé ce petit passo, eh bien, on va aller faire un petit tour du côté de la Penisola Italiana. Eh oui, de la péninsule italienne, on va aller du côté de l'Italie pour écouter ceci. Buonasera. bien voilà ce qu'il faut faire, surtout eh bien quand on a un gros rhume et que l'on n'arrive plus à, comment dire, à s'exprimer presque, oh presque. J'en connais au moins une. Eh oui, j'en connais au moins une. Eh oui, je viens de l'avoir au téléphone. Eh oui. Voilà, donc eh ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, il faut danser tout simplement un petit rock et puis ça fait une belle transpirée et après ça baigne dans l'huile, comme qui dirait l'autre. Allez, on y retourne. Bien maintenant, on peut se reposer un tout petit moment et écouter une très, très, très jolie chanson. Baisse de morale, pas envie de sortir ce soir. Je m'enferme dans le noir, j'ai envie de m'évader. C'était un soir de juillet, et mes mains sur mon clavier, mes yeux figés sur l'écran, à la recherche d'un bel amant. Dehors l'orage grondait, soudain ton pseudo apparaît. Doucement je vais vers toi, poussé par la curiosité. Quelque chose me disait que j'allais vers une amitié. J'avais cessé, le reflet bleu venant de tes yeux, que je ne peux oublier. allant me coucher. Un bel amour est né, je suis à tes côtés. Je ne me lasse pas de tes baisers, je t'aime pour l'éternité. Mon amant adoré, plus de chagrin. C'est vrai qu'il est beau le destin, et nous voilà liés par une belle complicité. Ce soir j'ai un peu froid, je viens me blottir contre toi, et je ressens cet amour comme si c'était la première fois. Et les yeux dans les yeux, pour vivre encore des jours heureux. Quand le jour s'est levé, l'orage avait le reflet bleu venant de tes yeux, que je ne peux oublier. En allant me coucher, un bel amour est né, je suis à tes côtés. Je ne me lasse pas de tes baisers, je t'aime pour l'éternité, mon amant adoré. Avec ce regard bleu de tes yeux, voilà, si vous avez les yeux bleus, cette chanson est bien évidemment pour vous. Si vous n'avez pas les yeux bleus, elle est quand même pour vous, cette chanson. Et celle-ci, celle qui va arriver tout de suite là, eh bien, elle est pour toutes celles et tous ceux qui sont seuls. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Mais quand ils sont sur le 91 et sur le 102.5, eh bien, ils y sont bien et ils écoutent de belles mélodies. Il est sur terre trop de gens qui ont faim. Toi, tu ne le sais pas. Sur terre, trop de gens qui ont froid. Toi, tu ne le vois pas. Une chanson pour tous ceux qui sont seuls et qui ont du chagrin. Sur terre Ça prend, hein? Ah oui, ça prend, hein? Ça prend quelque chose, ça... Voilà. Voilà, il n'y en aura pas de commentaires. Il n'y en aura pas de commentaires, non, pas du tout. Pardon. Ah, ça y est, c'est parti. Je viens t'offrir une rose. Tu vois, j'ai pensé à toi. Je sais que c'est peu de choses, mais ton cœur me comprendra. Elle te dira que je t'aime quand elle sera dans tes mains, comme l'eau à la fontaine. Tu sais, ma vie t'appartient. Tu es si belle, tu es si frêle, que je te voudrais toujours près de moi. Je suis perdu, je ne vis plus quand je suis un jour loin de toi. Je viens t'offrir une rose, elle te dira mieux que moi. Parfois si peu de choses pour me rendre fou de joie. Ton visage reste le même quand le jour vient t'éveiller, comme le fontaine. Tu resplendis de beauté. Tu es si belle, tu es si frêle, que je te voudrais toujours près de moi. Je suis perdu, je ne vis plus quand je suis un jour loin de toi. Je viens t'offrir une rose, tu vois, j'ai pensé à toi. Je sais que c'est peu de choses, mais ton cœur me comprendra. Elle te dira que je t'aime quand elle sera dans tes mains, comme l'eau à la fontaine. Tu sais, ma vie t'appartient. Je viens t'offrir une rose. Tu vois, j'ai pensé à toi. Je sais que c'est peu de choses. Voilà, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir de vous avoir offert cette rose. Voilà, j'espère que ce plaisir est partagé. Je le souhaite, je l'espère. Merci pour tout. Ah, ça fait du bien. Moi, je trouve que ça fait du bien. Tiens, allez, on va terminer cette première partie de l'émission. On va essayer de la terminer avec Hubert et Eric. Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. Une petite rumba. D'un beau pays où j'ai cru trouver le bonheur, mais il y fait trop chaud la nuit et les jardins ont trop de fleurs. Nous nous sommes connus un beau soir dans la rue quand vous êtes venus à Honolulu, et nous avons dansé le soir sous les palmiers qui faisaient bon l'été à Honolulu. Là, je vous ai donné notre premier baiser, mais jamais le dernier à Honolulu. Et quand on s'est aimé, la lune s'est cachée et tout s'est transformé à Honolulu. Seul, tous les deux sur la plage. Car on est un peu fou à Honolulu. Si vous allez un jour dans ce divin séjour, vous trouverez l'amour à Honolulu. Du jour où vous m'aimiez revenir pour toujours avec toi, mon amour. À Honolulu, à Honolulu, à Honolulu. Eh oui, un petit tour du côté d'Honolulu pour nous changer un peu les idées. Et oui, peut-être fait-il moins froid là-bas. Et puis, quoique, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que des fois, vous savez, on est surpris par rapport à tout ça. Eh oui, on est surpris. On croit qu'il fait bon, et puis il se trouve que, eh bien, c'est presque comme chez nous. Mais enfin bon, on ne va pas vendre la peau de l'ours. Ma symphonie, vous connaissez ? Allez, j'en connais au moins une qui aime cette chanson. Oui, elle habite Éloise. Oui, je vous le promets. Allez, bonne écoute. Ma symphonie, c'est ce geste d'enfant tendant ses bras tremblants vers sa maman chérie. Ma symphonie, c'est le petit oiseau sur le bord de son lit regardant l'infini. Ma symphonie, c'est l'amant qui attend avec le cœur battant celle qui ne viendra pas. Ma symphonie, c'est la veuve éplorée qui, malgré les années, non jamais n'oubliera. Parfois c'est beau, parfois c'est dur, rien de nouveau, c'est la nature, amour, espoir et tragédie. Bonheur, malheur, c'est ça la vie. Ma symphonie, c'est ce pauvre étranger de partout repoussé qui n'a plus de patrie. Ma symphonie, c'est ces gens qui ont faim dans les pays lointains luttant pour leur survie. Ma symphonie, c'est ce faux prisonnier qui n'a jamais rien fait et que l'on condamna. Ma symphonie, c'est l'appel du soldat qui, blessé au combat, agonise là-bas. Parfois c'est beau, parfois c'est dur, rien de nouveau, c'est la nature. Amour, espoir et tragédie. Bonheur, malheur, c'est ça la vie. Espoir et tragédie. Bonheur, malheur, c'est ça la vie. Eh oui, bonheur, malheur, c'est ça la vie. Mais la vie, encore une fois, comme je le dis très, très, très souvent, cette vie qui parfois nous creuse la tête, qui nous apporte de mauvaises nouvelles, eh bien, il faut, avec tout l'espoir qui est permis, tout simplement l'accepter telle qu'elle est et faire de telle sorte qu'elle soit un petit peu moins dur que ce qu'on l'on croit. Il y a quelques instants, cette chanson qui a fait mouche pour les gens qui sont seuls, eh bien, un petit coup de téléphone qui vient de nous arriver, et c'est notre ami, un fidèle auditeur, c'est le pompier de service, vous le connaissez, hein, Alain du côté de Saint-Germain-de-Joux. Eh bien, mon cher ami Alain, sache que je partage tout à fait l'idée qui est la tienne de rendre un peu hommage, on va dire, à ces personnes qui sont seules, surtout pendant cette période de fin d'année. Je te propose, cher ami, eh bien, à une belle chanson, Le village s'éveille. Je vois. Voilà, j'espère, mon pote Alain, que cette mélodie, bon, c'est quelque chose un peu particulier, un peu spécial, mais le village s'éveille. Tu vois le sens de ce choix, en fait. Le village s'éveille, voilà, parce que quelque part, quand on est seul. On est, oui, bien sûr, on est seul quand on se retrouve tout seul chez soi. Et puis que, mais en définitive, on n'est jamais vraiment très seul. Surtout quand on écoute Sorgia FM. Merci, mon pote. Merci beaucoup. C'était la plus belle fille du Brésil. Coquette, oui. Honnête, non. Si fraîche que dans toute la ville de Bahia, on l'appelait la belle Maria. Chacun voulait la voir entre ses bras. Aïe, aïe, aïe, Maria, Maria de Bahia. Elle avait le teint comme du satin, la belle Maria. Et tous les cœurs cabriolaient quand elle montrait ses mollets, couleur de café au lait. Aïe, aïe, aïe, Maria, Maria de Bahia, qui menait le bal au carnaval, c'était Maria. Et tous les garçons de là-bas, quand elle dansait la samba, frémissaient du haut en bas. Les tambourins électrisaient, le tam-tam disait, t'as bien raison, t'as amusé. Aïe, aïe, aïe, Maria, Maria de Bahia. Les hommes se battaient pour inviter la belle Maria. Quand on l'avait trop embrassée, elle allait se confesser. Et puis elle recommençait. Comme je vous le disais, cette radio qui nous est chère à tout le bassin bellegardien fait bien évidemment des émules. Merci Françoise, merci pour ton message, merci pour cette fidélité qui est la tienne, merci eh bien, de pendant ces moments, ces fêtes qui sont au rendez-vous très bientôt, eh bien également nous joignons tous à vous et à toi en particulier pour vous souhaiter également un joyeux Noël. Mais nous aurons bien évidemment le temps d'y revenir parce qu'on fera une émission spéciale, bien sûr, à ce sujet. C'est normal, hein, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ma chère Françoise, merci beaucoup. Merci pour ton soutien et puis merci pour ce joyeux Noël à toute l'équipe. Si tu le permets, cette mélodie que nous allons écouter, c'est une mélodie, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle n'est pas nouvelle du tout, c'est même une très très très vieille chanson de Claude François que l'on n'entend pas beaucoup. Parce que, comme d'habitude, les belles chansons sont toujours sur la face B, A, pardon, comme on dit. Et puis la face B, bien souvent, il y a des petits trésors, mais qui sont un petit peu, laissés de côté. Eh bien, j'ai creusé pendant un sacré moment, mais j'en ai trouvé quelques-unes qui valent leur pesant d'or. Donc, si tu le permets, Françoise, toute l'équipe de Sorgia FM t'envoie ses vœux les plus chers et cette chanson que je t'envoie. Si quelqu'un t'a laissé sur une île sans rivage, l'amour s'est détaché de toi. Si tu cherches une lumière dans le cri de la ville, souviens-toi que j'ai gardé. cette très très très belle chanson que je dédie à Françoise et à Jean-Paul, bien évidemment, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est bien évident. Et voilà, ce sont des petits trésors que l'on retrouve parfois. Et ce sont des choses voilà, que l'on fait, qu'on vous fait profiter. On va rester un petit moment justement avec Clo-Clo, avec justement ces chansons de la face B, comme on les appelle, qui ne sont pas très très très très connues. Et il en avait un sacré paquet. Il en avait un sacré paquet, le Clo-Clo. Allez, c'est parti. Mais ce disque que je n'écoute pas, mon esprit est ailleurs. Le front contre la vitre, je te revois partir en déchirant mon cœur. Ta voiture s'est fondue dans la nuit. Que c'est dur de voir mourir sa vie. Oh, il le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. Oh, il le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. Pensif, je frôle les objets que tu aimais hier. Tu gardes notre enfant, moi, cette maison froide où s'est logé l'hiver. Devant toi, j'ai su ne pas pleurer, mais même pas su garder cette fierté. Oui, mais le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. Oui, le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. L'information, c'est sur Sorgia FM. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Se décoller, j'ai vu qu'il avait un faux-nez. Dans une larme, j'ai compris que le Père Noël n'était que mon oncle Marcel. Dans une larme, s'est noyé l'enfant que j'étais. Dans une larme, casque et fusil en bandoulière, j'ai vu un jour partir mon père. Dans une larme, j'ai vu le jour de la victoire, ma mère habillée tout en noir. Dans une larme, l'enfant est devenu de la pitié dans une larme. J'ai vu le monde tel qu'il était dans une larme. J'ai vu ma vie se dérouler, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai trop pleuré aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne sais même plus pleurer. On n'a pas l'habitude hein, de les entendre, ces chansons. Elles étaient un peu cachées par les grands succès qu'il nous a tout au long de sa vie chantés. Mais elles valent leur pesant d'or aussi, ces chansons. Elles sont magnifiques, il faut bien les écouter, les paroles sont belles. Et donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment de bonheur. J'espère que eh bien que je vous le fais partager. Il arrive certains jours qu'un homme est à dire certaines choses, même quand il sait ça rend malheureux. Avant que je n'ajoute un mot, laisse-moi te dire je t'aime. Laisse-moi te dire ces choses aussi doucement que je le peux. Il y a une autre femme aujourd'hui dans ma vie, mais ça n'est pas pour ça que j'ai cessé de t'aimer. Je n'ai jamais fait l'amour avec elle et ne le ferai sans doute jamais. Mais il y a en moi ce sacré vide qu'elle seule peut combler. Rame entre deux amours, je suis partagé. Entre toi et elle, mon cœur est malheureux. Drame entre deux amours, je suis déchiré. Brisant toutes les lois, en vous aimant toutes les deux. Ne pense pas que tu m'as déçu parce qu'il y a quelqu'un d'autre, tu es le seul premier amour qui ait vraiment compté. Et toutes les choses que je t'ai dites, je te jure qu'elles sont toujours vraies. Personne n'aura jamais la part de moi-même que je t'ai donnée. Drame entre deux amours, je suis partagé. Entre toi et elle, mon cœur est malheureux. Drame entre deux amours, je suis déchiré. Brisant toutes les lois, en vous aimant toutes les deux. Je ne pourrais pas t'en vouloir si tu décidais de me quitter, mais au fond de moi, de toutes mes forces, je te demande de rester. Drame entre deux amours, je suis partagé. Entre toi et elle, mon cœur est malheureux. Drame entre deux amours, je suis déchiré, brisant toutes les lois, en vous aimant toutes les deux. Au drame entre deux amours, je suis partagé. Entre toi et elle, mon cœur est malheureux. Allez, pour continuer ce plaisir, une toute dernière. Vivre avec toi. Autant que je m'en souvienne, sur les chevaux des manèges, nous n'avions même pas 8 ans. Notre amour est né dans ce jardin d'enfants. Je m'en souviens, plus tard au même collège, tu cachais au fond d'un cahier cette lettre où j'avais écrit en secret: moi je veux vivre avec toi, avoir pour musique le son de ta voix. respirer dans tes cheveux l'odeur des champs de blé. Simplement vivre avec toi et sentir ton corps frémir sous mes doigts. Tu vois, malgré tout ce temps, je n'ai rien oublié. Oublié. Autant que je m'en souviens. À perdre ma laine vers ce train qui nous séparait. C'est si loin, aujourd'hui je t'ai retrouvé et je veux vivre avec toi, avoir pour musique le son de ta voix, être ton premier amour et aussi le dernier. Simplement toi, et sentir ton corps frémir sous mes doigts. Tu vois, malgré tout ce temps, moi je n'ai pas changé. Vivre avec toi, avoir pour musique le son de ta voix, respirer dans tes cheveux l'odeur des champs de blé. Simplement, oui, vivre avec toi, et sentir ton corps frémir sous mes doigts. Voilà, c'était un petit clin d'œil à notre ami eh bien, Claude François avec ses titres un peu délaissés. Pas oubliés, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont dû les écouter, ces titres. Mais voilà, on ne les entend pas beaucoup, on ne les entend pas assez souvent. Ben, je vous promets qu'on va changer ses habitudes. En tout cas, sur le 91, sur le 102.5, on essaye toujours d'être à cette recherche un peu du passé. Parce que, comme dit quelqu'un que je connais bien, qui habite dans le plateau de la Smine et qui s'appelle Paul, pour ne pas le nommer, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Voilà. Ça, c'est un beau dicton, celui-là. Bien, allez, une petite dédicace. Il s'appelle René. Il habite au fond de la commune d'Éloise. Il va se reconnaître, hein. Ou s'il ne se reconnaît pas, peut-être Noël va lui dire quelques mots, va savoir. Noël, c'est son épouse, hein. C'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas René. Mais qui est-ce qui ne connaît pas René? En tout cas, cher René, ton pote Momos, il t'envoie juste un petit cadeau. Juste un petit cadeau. Et il te dit que finalement, la vie, tu sais, c'est une aventure, hein. C'est une aventure, mon ami. Allez, c'est parti. Toutes les étoiles qui brillent dans les yeux d'un enfant. Crois aux cathédrales qui se lèvent au soleil couchant. Voyage vers les nuages des poètes et des amoureux. Un paysage, si ton ciel n'est pas assez bleu, la vie est une aventure, il faut la vivre en chantant, malgré les coups, les blessures, les nuages et les ouragans. Si tu regardes la vie avec les yeux de l'amour, tu verras qu'après la pluie, le soleil revient toujours. vers la rivière qui fait rêver tous les bateaux. Va dans la lumière qui fait danser tous les oiseaux. Écoute ces mélodies venues d'ailleurs jusqu'à ton cœur. Au jardin de chaque vie, il y a toujours un arbre en fleur. La vie est une aventure, il faut la vivre en chantant. Malgré les coups, les blessures, les nuages et les ouragans. Si tu regardes la vie avec les yeux de l'amour, tu verras qu'après la pluie, le soleil revient toujours. La vie est une aventure, il faut la vivre en chantant. Malgré les coups, les blessures, les nuages et les ouragans. Si tu regardes la vie avec les yeux de l'amour, tu verras qu'après la pluie, le soleil revient toujours. Tu verras qu'après la pluie, le soleil revient toujours. Voilà, et bien cette deuxième partie de l'émission s'achève. On va tout de suite passer à la troisième partie de l'émission avec, bien évidemment, le quart d'heure et l'italien. Et on va le commencer avec une chanson... Allez, elle date de 1964. C'est pas hier, hein? Il y a déjà quelque temps de ça. On était jeunes à l'époque. Et beau? Bon, on est toujours beau. Bon, c'est vrai. Un peu moins jeune, c'est vrai, aussi. Allez, c'est parti pour le quart d'heure italien. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose dopo tanti, tanti mesi ora so. Cosa sono per te? Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Oh, tu mi amavi mai. Come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me. Che non amo che te, che te, che te. Te. Bob Bisolo, ça vous rappelle quelques petits souvenirs hein, avec cette chanson, Una lacrima sul viso. La chanson qui va suivre, elle, oh, elle est complètement barjo, comme on dit. Degli altri è vietato a s'intrigare. Io non amo giudicare solo Dio che stoppo fa, amo solo curiosare che è diverso a mormulia. Curiosa, sono una curiosa, per meglio una ficca a naso. A me piace ficcare, ficcare il naso dappertutto, ficcare per conoscere tutto. Come a me piace ficcare, se si va dal parrucchiere, senti mille novità, in ogni angolo del mondo, senti sushi in quantità, la gente del mio quartiere. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Forse sai, in silenzio stai parlando, i tuoi occhi dicono tutto, tutto quello che tu hai. Io con te, una strada più senso che mi lascia un vuoto dentro che non vuole andare via, ma una farfalla volerà ed il mio cuore si aprirà col tempo e vedrà che qualcosa cambierà. Nel mio cuore sei che tutto so che pensi a me. Ma una farfalla volerà ed il mio cuore si aprirà col tempo e vedrà che qualcosa cambierà. Un'ombra nel mio cuore sei che non riesce ad andar via. Ça, c'était la mazurka del buon vino. Aïe, aïe, aïe. À consommer avec beaucoup de modération. Allez. Mmh. questa città, fra le luci d'oro sotto lo splendor della luna, mentre nell'oscurità cercano in amor forse mille cuor la fortuna, e fra i baci più tenaci ogni amante sospira così. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'oro. Vieni con me, che al suon d'un organino io ti sarò vicino, sempre vicino al cuore. Brillano tutte tremule stelle languide che sorridono, guardano e ci dicono su baciatevi con ardor. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'oro. Nel tenebro, tanto bene o mal, se non c'è un fanal c'è la luna, e nel suo tenue balio io non cercherò, io non amerò più nessuna. Con le stelle sentinelle io ti stringo più forte al mio cuore. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'oro. Vieni con me, che al suon di un organino io ti sarò vicino, sempre vicino al cuore. Brillano tutte tremule stelle languide che sorridono, guardano e ci dicono su baciatevi con ardor. Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'oro. Eh oui, mais quand c'est fini, ça recommence. Silenziosa germogliava una canzone da quando la tua bocca mi baciò, e come petali di rosa le sue note sboccerà per dirti ciò che l'apro dir non può. L'incanto di una rosa profumata, deliziosa, sei per me, mogliettina. Il fascino soave della gemma più preziosa, sei per me, mia piccina. Un brivido m'assale nel pensare alla mia vita senza te, mogliettina. Ma il sole del tuo sguardo mi rincuore, la speranza torna in me, mia piccina. E col passar degli anni il cuore invecchierà, ma il nostro amore non morirà. Se qualche ruga sul mio volto apparirà, il desiderio dei tuoi baci ne vivrà. L'incanto di una rosa profumata, deliziosa sei per me, mogliettina. Il fascino soave della gemma più preziosa sei per me, mia piccina. E la canzone non avrà mai fine, se il labbro tace, il cuore ti parlerà. Petite chanson douce dédiée tout simplement à son épouse. Andavo a spasso solo per la città, coi miei pensieri e sigarette a volontà. All'improvviso son rimasto folgorato, davanti agli occhi un amore ammozzafiato. Lei mi sorrì con fare accattivante, io mi avvicino e la saluto dolcemente. Provo a parlarle con garbo ed educazione, ma lei in me ha visto solo un mascalzone. Dolce moretta, quanto sei bella, come rispondi che mi manca una rotella. Ma che ti ho detto e vuoi che sia, se mi permetto ti arrabbi e fuggi via. Allora è meglio che te ne vai, mi hai fatto male e questo tu lo sai. Ma ti ricordo, anche se non sei perfetta, io amo te, bella moretta. Mi si è rivisti dopo qualche giorno, e col suo passo incantava tutto intorno. Nella mia mente volavano i pensieri, ma non credeva che fossero sinceri. Allora io, deciso e coraggioso, faccio la parte del testardo presuntuoso. Le dico bella, non hai capito niente, per te il mio cuore batte forte veramente. Dolce moretta, quanto sei bella, non mi rispondi che mi manca una rotella. Ma che ti ho detto e vuoi che sia, se mi permetto ti arrabbi e fuggi via. Allora è meglio che te ne vai, mi hai fatto male e questo tu lo sai. Ma ti ricordo, anche se non sei perfetta, io amo te, bella moretta. Allora è meglio essayer de terminer un peu moins vite. Ça vous tente? Une très, très, très jolie chanson qui nous est chantée par une très, très, très jolie fille, pour une fois. C'est avec cette toute dernière dédiée aux mamans que je vous quitte pour mieux vous retrouver très bientôt sur le 91 et sur le 102.5. Je vous aime, je vous embrasse et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. C'est la joie. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.